15, 23, observation, contraction, tableau récapitulatif. Pas de contraction. 2 plus article défini là. Égale de là. 2 plus article défini L apostrophe. Égale de L apostrophe. A plus article défini là. Égale à là. A plus article défini L apostrophe. Égale à L apostrophe. Contraction. 2 plus article défini le. Égale du. 2 plus article défini les. Égale des. A plus article défini le. Égale au. A plus article défini les. Égale au à UX.